cœur pour aimer, un bâton pour marcher, une croix pour expier, une épée pour tuer. Oh. Une ombre sur la route, la passion marche aux côtés de la foi vers Compostelle. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Le sang, notre vin versé, le sel ardent de nos plaies, dans l'impénétrable ténèbre de la durée, alors que je m'enfonce dans le maquis de ronces, les embûches, les tentations, les frissons du noir feuillage, l'eau bénite d'un secret présage. Et si je tombais si l'ombre, et si je sutais, et si aucune prière ne remonte d'hier, qu'on soit reine ou bien sirène, qu'on soit reître ou bien prêtre, chevaleresse ou bien pauvresse. Voilà notre main, voilà nos mains, tendues et perdues. Y a-t-il seulement une issue quand on s'enfonce sans retour dans l'infinie lisière de la forêt vers Compostelle? Ah, ah, ah, ah, ah. Déjà fort longue derrière vous, voilà des jours, des mois, peut-être des années que vous cheminez, vous, la famille, par Compostelle. C'est harassé, lourd et lourde de vos fardeaux respectifs. Vous arrivez au dernier village, ou plutôt devrait-on dire une cabane, au dernier village d'étape avant la mythique Compostelle. Là se trouvent trois saltimbanques. Vous accueillent, invitent à vous asseoir, vous reposer, écouter leur chant, leur danse, leur jeu, leur rumeur et leur prédication. Ah, voyageurs et voyageuses, je vous fais bon chemin. Je crois, oui. Je crois que nous avons fait bon chemin car nous sommes sur la bonne route. Enfin, je n'en suis pas sûr. Rien de tel pour les jambes qu'une petite promenade de quelques mois. Mes jambes sont floues. Je ne suis même pas sûr que ce soit mes propres jambes. Je pense qu'il y a bien des manières d'arriver à destination avec ou sans jambes. Tu as sans doute raison. Je te crois. Si vous n'arrivez pas à marcher sur vos pieds, marchez donc sur vos mains. Peut-être que j'essaierai demain. Peut-être finirons-nous le pèlerinage à quatre pattes dans notre condition la plus vile. Et toi, Audace, comment te sens-tu ? Je me sens très bien, mais de toute évidence, mon frère et ma sœur n'ont peut-être pas assez bu. Nos propos sont incohérents. Je suis à la banque. Avez-vous de quoi boire dans vos besaces bien remplies ? Nous pourrions vous apprendre une nouvelle chanson, ou peut-être une nouvelle danse ? J'aime bien regarder les gens faire fête, mais faire la fête, j'apprécie un peu moins. Mais allez donc, chers amis, danser et chanter. Je resterai dans un coin à être heureux pour vous aussi. Je crois que je veux bien un verre, mais je ne suis pas sûr de vous suivre pour la danse. Je me sens confuse. Bon, bah comme d'habitude, hein, c'est moi qui vais danser. Et l'important, c'est de savoir est-ce que vous avez à boire, chère saltimbanque. Saltimbanque ! Saltimbanque ! Saltimbanque, saltimbinkos ! Saltimbanque ! Saltimbanque ! Si vous voulez avoir le cœur, si vous voulez avoir le cœur à boire, effectivement, c'est voici de l'hypocras et voici de l'eau. Hein. Chers frères et sœurs, commençons par de l'eau. Mais que voulez-vous en contrepartie ? Une histoire ? Une chanson ? Commençons par cette danse. Ça me semble être très bien, mais nous ne sommes pas présentés t'es liés. Une première personne, en fait, s'avance vers toi et en fait, frappe son poing contre le tien, Audace, pour faire le salut mémoriel. Tellier, et voici mon histoire. Je suis Reliance, je m'assure de la cohésion de la communauté et je règle les conflits. Parce qu'il y a des conflits ? Toujours. Les rivières seraient tristes sans courant. Et je m'approche de la troisième personne et lui demande son nom. Une rivière devient un lac lorsqu'il n'y a pas de courant. Enchantée, je suis Apollinaire. J'essaye de donner un peu d'humour et de lumière à toute personne que je rencontre. La troisième personne que tu as abordée, Audace, s'appelle Milieu. Milieu monte et entretient un campement pour la communauté. C'est une personne qui n'a peut-être pas entre guillemets, la bonne humeur des autres saltimbanques, elle est très dans l'organisation, et donc elle remet, il lui remet les chaises en place, époussette les tentures, vérifie que les instruments sont bien sur leur sur leur trébuchet, et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, son lieu est très affairé, ça contraste évidemment avec le côté cigale des deux autres saltimbanques. Enchanté, enchanté. Je prends une grande gourdée d'eau parce que j'avais très très très très très très soif. Et je me garde l'hypocrase pour après la danse. Ne finissez pas tout, dis-je en lançant à mes frères et sœurs la petite fiole d'hypocrase que les saltimbanques ont bien voulu nous sceller. Je me sers généreusement en hypocrase. J'ai soif et l'alcool me permet de rassembler ces différentes parties de moi qui parfois divaguent le long de cette interminable route. Reliance est curieuse de partager ta danse, en fait. Si tu peux m'expliquer, si tu acceptes, et si tu peux m'expliquer à quoi ressemblent tes pas de danse. Bien sûr. Je fais tout d'abord un mouvement un petit peu latéral, en mode crabe frénétique, suivi par je m'accompagne en fait en tapant dans mes mains, en espérant que Reliance et Milieu peut-être accompagnent avec leurs instruments très intrigants qu'ils portent. Et après le mouvement, mouvement latéral, je tape dans mes mains, je tourne, je saute pas mal aussi. Et la partie la plus compliquée de la danse, c'est la partie contact où j'essaie de rebondir sur des aspects du paysage, donc de grimper un petit peu au début d'un tronc un peu penché et puis faire un salto arrière. Me projeter contre un petit mur et faire une pirouette. Quelque chose d'un petit peu qui ressemble à quoi, Proja, un petit peu martial, mais. Ouais. Reliance est très amusée et tâche d'épouser ta danse du mieux qu'elle peut. Elle s'avère assez douée, tant elle a une capacité assez naturelle à deviner les connexions mentales et physiques, et donc elle te donne la réplique en fait par sa danse de façon assez élégante, quoi, sans pour autant chercher à te voler la vedette, donc elle te laisse quand même l'honneur de faire les plus belles pirouettes, quoi. Mais elle se montre une partenaire tout à fait accompagnante, quoi. Ça me fait très très plaisir, d'autant que comme le savent très bien mon frère et ma sœur, qui n'est pas une super bonne danseuse, c'est uniquement des mouvements d'arts martiaux ou de bagarres que j'ai improvisé pour nous gagner un petit peu d'eau, ce qui, de toute évidence, était inutile, parce que ces saltimbanques sont très généreux et gentils. Oxymorte commence à froncer les sourcils. Elle fixe Reliance. Et quelque chose... une forme de mépris teinté de peut-être de jalousie s'affiche sur le visage d'Oxymorte. Et elle se met alors à faire quelque chose qu'elle fait très peu. Elle se met à danser et à onduler. Et elle tend la main en direction d'Apollinaire. Et elle lui dit... tu viens danser, Apo, j'ai besoin de toi. Ah, moi ? Apollinaire était en train de déballer un petit peu son stand de tatouages pendant ses fêtes. Il préfère être souvent dans un coin et ce genre de petite boutique lui permet de ne pas subir les danses, son habitude. Et du coup, il a très surpris que Coxymorte vienne lui demander une danse. Wow, tu sais, j'ai la boutique à tenir. Mon stand n'attend que moi. Regarde, j'ai déjà déballé deux caisses. Je ne peux pas. Il s'embourbe dans ses explications. Coxymorte regarde d'un air déterminé et elle dit il n'y aura peut-être pas de boutique, il n'y aura peut-être plus de boutique si nous n'allons pas danser maintenant. Et elle te tend sa main. Toi, mais c'est bien parce que c'est toi. Du coup, il prend sa main et il essaye tant bien que mal de danser. Il n'est pas très doué pour cela. Mais il a toujours ce petit regard, ces petits mouvements qui encouragent les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, Coxymorte t'entraîne sur ce qui sert de piste de danse et elle te dit « Rappelle-toi, comme quand nous étions enfants, en symétrie, et tu la vois, du coup, lever la main gauche, ce qui t'invite à lever ton bras droit. » Et comme dans le souvenir auparavant, non, il ne lève pas le bras droit, mais le bras gauche. Ah, te souviens-tu tu te souviens à quel point j'étais mauvais pour ce genre de danse? Eh bien, je le suis toujours autant. Mais la honte a quelque peu disparu. Et du coup, il essaye de répéter la danse aussi pas proprement qu'autrefois. Hein, ses capacités n'ont pas changé. Mais Apollinaire est quand même content de passer du temps avec sa sœur. Tu suis le mouvement et tu constates que Coxymorte s'écarte un peu de toi et en même temps elle te dirige. Et en même temps que tu, en parallèle de suivre les mouvements en symétrie d'Coxymorte, tu constates que vous formez désormais une sorte de parenthèse entre audace et reliance. Tu continues à suivre ces mouvements et il semble que Reliance soit parcourue de frissons et de tremblements. Et une forme de sourire apparaît sur le visage d'Oxymorte. Une personne qui a beaucoup applaudi vos prestations de danse tout en restant en retrait, c'est Arpente, hein, le troisième saltimbanque. Il est jeune, il a les cheveux en broussaille et le visage maculé, posté comme ça à la lisière devant l'entrée, entre les deux entrées de chemin. Et voilà, ça le. Comment. Ça le fait beaucoup rire, ça l'intéresse beaucoup. Enfin, il est très, très curieux de vous. Tandis que Milieu continue à bougonner et puis à tout bien ranger, tout préparer pour un grand spectacle. Tandis que Reliance, bien que visiblement portant les sortes de séquelles de ce qui vient de se passer, a l'air plutôt empreinte d'un certain bien-être et commence à préparer en fait un tarot de Marseille puisqu'elle veut vous lire les tarots, quoi. Et tout en préparant son tarot de Marseille, histoire que la divination soit efficace, eh bien, elle commence à vous poser des questions. Et la première qui lui vient à l'esprit, c'est... Il y en a plein, quoi. Mais dis donc, Apollinaire, c'est drôle, ces branches et ces chandelles sur vous, là. J'ai pas compris la phrase, excuse-moi. Comment Arpente s'adresse à toi, Apollinaire, et il dit « Non mais c'est drôle, ces branches et ces chandelles sur vous, qu'est-ce que ça signifie ?» Eh bien, écoutez, il y a plusieurs histoires envers ces chandelles, voyez-vous. Celle-ci, je l'ai acquise lors de mon premier voyage, il y a fort fort longtemps. Ça se faisait sur des cours de rivière et de cascades. La difficulté était effectivement de descendre et remonter ces cascades pour parcourir le chemin. J'étais en responsable d'un groupe pour les guider à travers les forêts. Ce fut un voyage extrêmement éreintant. Nous avons dû parcourir deux fois plus de temps qu'il ne fallait pour arriver à destination. Mais nous y sommes arrivés. En commémoration de ce voyage, j'ai décidé de porter une première chandelle. Chacune de ces petites chandelles signifie les voyages et les souvenirs qui y sont attachés. C'est... fascinant. Nostalgique. Donc ces chandelles sont des sortes d'objets mémoriels. On peut le dire, on peut le dire. Et je pense... vraiment précieux, prends-en grand soin. Ne t'inquiète pas. Parce que j'arpente les chemins et je sais qu'il y a des détrousseurs sur la route. Oh, ne t'inquiète pas, je pense que si on essaie de me dérober une chandelle, je la retrouverai toujours. Ou il se passerait quelque chose de terriblement effroyable au voleur qui la prendrait. Et ce, sans que je ne lui veuille du mal, je pense. Oh, par la grâce, Dieu nous en préserve. Exactement. Il ne faut pas jouer avec ce genre d'objet lorsqu'on n'est pas initié. Même si leurs pouvoirs sont grands, ils ne doivent pas être mis entre toutes les mains. Heureusement pour vous, je suis une personne tout à fait gentille, honorable, exceptionnelle, n'est-il pas? Je suis désolé, Reliance reprend, j'ai vraiment beaucoup de questions. On a besoin de vous connaître pour vous tirer les cartes. Comment Das et Oxymorte, d'où viennent ces tatouages? C'est à nouveau une question pour notre frère Apollinaire. C'est lui qui vous les a fait, donc. Allez, Apo, fais pas ton timide. Oh. C'est juste super beau ce que tu fais. Allez. Après, vous savez, pour faire un tatouage, il faut quelque chose qui appartienne à vous, une idée, une pensée, un souvenir, quelque chose que vous voulez absolument garder sur votre peau. C'est ça qui est important dans la notion de tatouage. Et c'est se rappeler quelque chose de bien, de mal, ou tout simplement qu'on ne veut pas perdre. Oxymorte s'approche d'Apollinaire et elle lui glisse à l'oreille que les tatouages qu'elle a dans son dos qui contiennent sa part de Orla n'était pas son idée. Et que vu la déformation qu'ont subi les tatouages, on lui a fait peut-être à un âge trop jeune. Car les tatouages ont grandi en même temps que le corps. Le corps d'Oxymorte. Bien, Apollinaire va simplement répliquer que c'est tout à fait normal et que ça ne l'étonne pas, ni ne le gêne. Oxymorte se recule et répond d'un air à la fois passif et dédaigneux qu'elle est malgré tout très heureuse d'avoir pu grandir à vos côtés. Bon, qui veut de l'hypocrase, hein. Audace, sentant la tension, s'approche du petit stand qui est en train de s'installer de la cartomancienne danseuse de certains banques, dont elle a beaucoup apprécié la compagnie de danser, même si elle s'aperçoit quand même qu'elle transpire beaucoup moins qu'elle, que ça a eu l'air d'être un effort beaucoup moindre. Et elle s'accroupit comme ça, un petit peu, on appelle ça le Slavic Squat, pour vous dire comment ça, c'est cet accroupissement où les genoux sont à peu près à hauteur du menton et le cul touche les talons. Vous voyez cette position. Et donc d'un air un petit peu nonchalant, les coudes reposant sur ses genoux, le poignet des mains descendant un peu flasque, Elle avale une rasade d'Hippocras et s'essuie la bouche nonchalamment et regarde de manière attentionnée et inquisitrice les cartes qui commencent à s'étaler sur le petit stand. Et nous, on a le droit de vous poser des questions. Reliance, comment un sourire complice, ça l'amuse, elle fait... Essaye toujours, Audace, tu mérites bien ton nom. Et j'aimerais savoir... D'où viennent les feux de la Saint-Jean dans le pays dont vous êtes parti? Avec quel bois des sarments de vigne? Est-ce qu'on allume ça avec des vieux fûts de chêne? Et est-ce qu'on saute très très haut ces bûchers? Chez nous, les feux de la Saint-Jean sont particuliers. Ah, si je peux dire chez nous, peut-être plutôt de l'endroit qu'on a fui. Les feux de la Saint-Jean sont faits avec le bois des gibets. La fumée qui en émane sont les péchés des morts. Non point expiés. Donc, celui qui ne saute pas assez haut, il avale un peu de cette âme noircie. Désormais, l'accompagne dans son chemin. Cette fumée noire des gibets de la Saint-Jean, j'en ai moi-même avalé une fois. Je ne suis pas toujours aussi agile que j'ai pu te montrer. Parfois, je trébuche. Et depuis que je vous ai vu, je me sens mieux, comme si la fumée m'avait quitté. Elle avait repris son cours, repris son chemin, vers je ne sais où. J'espère que si elle vous accompagne, elle ne vous causera point de mal. Certainement qu'elle cherche Compostelle, elle aussi. Sur ces entrefaites, en fait, elle a placé trois cartes face cachée. Clairement, c'est une pour chacune d'entre vous. Et entre chaque carte, elle a mis aussi une carte de relation, quoi. Donc, Il tire pour Audace. Comment? Et tu sens que quand elle tire, tu sens vraiment qu'elle a le geste d'avoir envie de remasquer la carte en mode non, finalement, elle tire autre chose, quoi. Et puis bon, une sorte de déontologie de cartomancie n'en empêche, quoi. Et donc elle te dévoile la roue de la fortune. Peut-être que cette carte parle plus de moi que de toi, j'en sais rien, mais. Trop vouloir faire des acrobaties sur des échafaudages branlants. On peut toujours chuter. Hein. Garde, ma belle. Si tu le dévoiles. Je laisse tomber mes fesses lourdement. Je passe de la position très brusquement devant un petit nuage de poussière et de cendre de la position. À la position. Avachie! Et je gratte mes cheveux ras. Ah, ça me pendait au nez. La question, c'est, arriverai-je au terme de cette aventure avant? Et la question, surtout, les yeux d'Audace s'illuminent, c'est que m'apportera la fortune une fois que la roue remontera. J'espère que je serai en bonne compagnie. La fortune sourit aux audacieux. Tire une carte pour Proxy Morte et c'est la carte du diable. Oh. Le diable est celui qui échappe à la nature. Ni du domaine des dieux. Ou peut-être que le diable est... Peut-être que le diable est celui qui crée la nature. Et qui échappe à l'église. Enfin, je ne voudrais pas blasphémer. Le diable est dans les détails. Le diable est en chacun de nous. La question est de savoir, êtes-vous prêt à lui faire une place ? La question est plutôt, avons-nous le choix ? En ce qui me concerne, je ne l'ai pas eu. Mais j'espère que le pèlerinage m'offrira la redéfinition de ce choix. Et si on vous tirait une carte ? Toi, je suis joueuse. Oh, moi, j'ai bien envie de savoir ce que le sort réserve à Apollinaire. Si, j'ai envie. J'étais polie, du coup, je ne disais rien. J'attendais mon tour. Bien, je tire la carte d'Apollinaire et après Oxymorte me tirera une carte. Oui. Apollinaire, tu es l'ermite. Une personne rencontrée sur le chemin porte les attributs de la sagesse, mais aussi du vagabond qu'on ne connaît pas, d'étranger, dont on ne sait s'il est digne de confiance, tant il porte la lumière. Alors faut-il accepter cette lumière venue des ténèbres ? À ceux qui t'entourent d'en décider. Pourquoi ne serait-ce pas à moi-même d'en décider ? J'ignore, crois-tu vraiment que nous soyons maîtres de notre propre destin ? Je pense que l'on peut l'être. Alors que tout est déjà tracé dans les cartes, dans la volonté divine. Alors, je pense que les dieux nous donnent quand même... Une certaine partie aléatoire de ce que l'on peut faire. Sinon, il n'y aurait pas de saint, il n'y aurait pas de diable. J'apprécie ta détermination et je pense que tu peux compter. Tu peux compter sur les tiens, sur ta famille. Je pense que vous vous serrez les coudes. Toujours, toujours. J'en aurais besoin. Et Oxymorte. Tu m'as fait une belle promesse. Oui, Radiance. Tu m'as fait une belle promesse. Vas-tu la tenir ? Je ne suis que ce que je dis. Ton temps pour battre tes cartes, je t'attends. Le jugement. Dans les nuages, un ange souffle de sa trompette vers une personne prisonnière d'une trappe au sol. Cette personne est entourée de deux autres. Karma, vengeance, justice divine, catastrophe, récompense, révélation. Je vous ai vu trembler sur la piste de danse tout à l'heure. Bien sûr, toute danse se fait en compagnie du diable. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce diable ? Bien... C'est une personne imprécise. C'est le plus humain d'entre nous tous. Et ces tremblements? J'étais en train de danser avec mon frère à Pau et... Je vous ai vu comme électrisé. Oui, c'est vrai, j'avoue que vous m'avez fait un drôle d'effet, mais comme je vous l'ai dit, depuis que j'ai trébuché en sautant par-dessus le feu de la Saint-Jean, qui était, je rappelle, qui était composé des poutres brûlantes d'un échafaud, j'ai aspiré par erreur l'âme noire d'un pêcheur. Et depuis, je portais ce fardeau sur moi. Lors de cette danse, j'ai eu la sensation que cette fumée me quittait. Aller sur le chemin. J'en suis ravi pour vous. Prudence, cela signifie peut-être que le diable sera à vos côtés sur le chemin. Mais qu'il le soit. J'aurais une dernière question pour vous. Pour finir ce tirage. Aujourd'hui, comment vous jugez-vous ? Ce n'est pas aux hommes de juger. Eh bien, moi, je vous juge. Et je vous trouve très sympathique, chère Reliance. La Reliance a un grand sourire et se met à jouer de la harpe tout en chantant. Ce n'est pas un chant articulé, c'est pas du français, c'est pas de l'occitan, ni du catalan, ni du basque. C'est une sorte de langue des oiseaux, quoi. Et Arpente profite de cette fenêtre pour venir un petit peu vous spiller, discuter avec vous et tout, et vous parler de ce qui vous attend sur le chemin. Je vous dis, il y a deux chemins. Camino de la Huerta, le chemin du verger, et le Camino del Agua, le chemin de l'eau. Foncent tous les deux dans la forêt tortueuse à la recherche de Compostelle. Je peux vous dire un peu ce que je sais sur les chemins, ça vous intéresse? Oui, absolument. Bien, laissez-moi fouiller ma mémoire. Un grand sac avec beaucoup de choses dedans. C'est pas très en ordre. Vous constatez que si morte comme sortie d'une sorte de transe et qu'elle elle reprend cet état de doute et de confusion qui la portait lorsqu'elle est arrivée au village. Tout va bien, Oxymorte ? Je vais quand même m'écouter. Tout va bien. Hippocrate. Ça doit être l'hypocrase. C'est toujours l'hypocrase. De ce côté-là, il y a le chemin du verger. On y trouve des lieux étranges. Parfois païens, parfois sanctuarisés. Et tout a... religieux a un aspect très ancien. Et comment dire, vous trouverez sur le chemin des personnes qui se disent saintes. Mais elles sont toutes dangereuses. Intéressantes mais dangereuses. On peut manger les fruits, ou comme dans les contes, il faut se garder de manger les fruits. Gardez les fruits, mais ne croquez pas dedans. Ah, les fruits de la tentation. Premier mythe. Peut-on les cuire en compote ? Est-ce une façon de réduire leur risque ? Je pense que c'est double péché, pour le coup. Ou peut-être pouvons-nous les farcir avec de la viande ? De la viande de saint et de sainte. Si vous faites de la compote ou des petits pâtés avec les personnes que vous rencontrez sur le chemin, vous en répandrez devant l'Éternel le jour du jugement dernier. Après, je m'en lave les mains. Et de l'autre chemin, là, c'est le chemin des mares. Là aussi, il y a des choses intéressantes. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'étangs. Il y a aussi d'étranges arbres, très étranges. Peut-être aussi. Mais ils font des pièces étranges. Et puis, il y a des êtres qui me font penser à Oxymorte. Je ne me suis pas trop approché d'eux. Quel genre d'être ? Des êtres mi-figues, mi-raisins. Y a-t-il des tourbières ? Parce qu'avec la tourbe, c'est même très pratique lorsqu'on voyage, pas besoin de savon. Hop, un coup de tourbe, et on... type de parasite disparaît de votre peau, de vos cheveux. En fait, c'est possible si vous vous enfoncez où il y a vraiment beaucoup d'eau, peut-être que vous arriverez dans du marais. Après, je vous déconseille de trop vous écarter du chemin. Suivez bien les pancartes. Pancartes ? C'est un endroit bien rangé, j'imaginais ça totalement chaotique. C'est embêtant. Frères, sœurs, vous n'avez pas envie de prendre à la fois l'un comme l'autre des chemins ? Et nous pourrions refaire le pèlerinage en sens inverse. Un pèlerinage n'est pas seulement un aller, il est aussi le retour. Tout à fait, au retour vous changerez de chemin. Oui, oui, magnifique, audace tape dans ses mains. Pour ma part, je crois que j'aimerais rencontrer des gens comme moi. Des gens à la figue. Mais aussi alors, des gens raisins. Du verger ? Oups. Ah non, je comprends maintenant. L'autre, celui de l'eau. Il est vraiment beau, ce Hippocras. Il va falloir que j'aille chercher Karl, notre custo pour qu'il en refasse, parce que visiblement ça part vite quand même. Oups. Audace pousse en direction de Tarpente. Du gardien du camp, de la gardienne du camp. Pic-pic, il couffe. Et au milieu, la bouteille d'Hippocras avec un air penaud. Désolé. Voilà. Et elle ouvre son sac et on sort. Un petit médaillon, tel qu'on en vend aux pèlerins sur la route, et à un moment donné, Audace s'est fait un petit peu accéder, parce qu'un enfant voulait lui vendre ce médaillon. Et tenez, pour la compensation, je suis vraiment, vraiment désolée d'avoir bu tant d'Hippocras. Non, c'est bien, écoutez, considérez que nous sommes saltimbanques et taverniers à la fois. Quelle hypocrisie. Je ne saurais pas dire si ça définit un trait d'esprit ou un régime politique, mais nous sommes en pleine hypocrisie. Bon, ok, allez, deux médailles. Doucement, Audace. Vous êtes dur en affaires, quand même. Mais tu es obligé de céder, Audace. Non, c'est bon, je sors une deuxième, mais celle-là, je l'aimais bien, elle est un peu rose, mais enfin, voilà. audace, j'ai allégé le fardeau d'une des leurs. Je pense qu'une seule médaille sera amplement suffisante. C'est gentil de me dire ça maintenant, mais c'est trop tard, j'ai déjà donné. On avait dit que tu m'empêcherais d'être trop dispendieuse. Dispendieuse. C'est vrai que tu les dépenses plus vite qu'on ne les gagne. Mais écoute. Il faut vivre de peu si l'on veut vivre longtemps. Je veux voyager loin, épargne sa montagne. Ces deux médailles correspondent à ce que nous avons consommé, mais pas aux différents services que nous avons produits. Ces gens auront une dette vis-à-vis de nous. À la fois, il y a l'histoire. Peut-être qu'on devrait lui raconter l'histoire. Apollinaire, tu sais ton histoire, là, super chouette. Oui, une histoire super chouette. Alors, laquelle? Laquelle veux-tu entendre? L'histoire avec les petits bocaux, avec dedans de l'huile et... Non? Comment ça s'appelait? Les aventures de Monsieur Molotov. Les aventures de Monsieur Molotov. Bien, il était un temps dans une forêt de Millevaux, où une petite communauté s'appelait les faiseurs d'huile. Ils utilisaient l'huile... des arbres et des plantes qu'ils produisaient pour faire de merveilleuses conserves. Et vous, des tomates à l'huile, des pêches à l'huile, de la viande à l'huile. Et ça leur permettait d'être véritablement riches de nourriture et de permettre pas mal de commerce avec les autres forêts environnantes. C'est d'ailleurs de plus en plus réputé. La vie se passait extrêmement bien pour eux. Mais une richesse aussi belle attirait aussi les convoitises. Personne qui souhaitait ardemment beaucoup d'huile, ce village s'appelait Molotov. Molotov était une personne sans talent particulier qui se contentait de récupérer les restes à droite à gauche. Il en était devenu si aigri et si vilain que... On l'appelait Molotov à cause de sa couleur grise. Il rappelait certains morceaux de fer trouvés en dehors du village. Une belle soirée où l'on fêtait la nouvelle saison pleine de conserves à l'huile, Molotov n'était pas content. Il avait trop bu. Il était particulièrement en colère et se bagarra avec le chef du village des conserves d'huile et en fut banni. Dans sa fuite, malheureusement, son bout de pantalon prit feu alors qu'il passait à travers des braises, tout colérique qu'il fût. Et malheureusement, à force de courir à droite à gauche sous les rires du village, il atterrit dans les dernières productions de bocaux d'huile. Et ces bocaux, se brisant, s'enflammèrent tout de coup. Heureusement, cette histoire ne finit pas très bien pour Molotov, dont on pense qu'il crie toujours de douleur à travers les conserves d'huile. Le feu atteint si bien le village, et dit que c'est uniquement des orlas, si des simènes, qui cachent. Des orlas faits d'huile, de feu, de douleur et de regret. Et cette histoire ne s'arrête pas là. Parce que Molotov avait une fille. Appelons-la Molotova. Cette fille savait qu'elle était le lourd passé de son père et souhaitait que le village puisse renaître de ses cendres. Alors elle passa l'entièreté de sa vie à discuter avec ces orlas, à écouter leurs douleurs et leurs lourds souvenirs. Et si bien par son empathie, sa gentillesse, sa capacité d'écoute, un à un, les orlas s'endormirent et que le village des conserves d'huile put se rebâtir peu à peu. Le village lit comme mère Molotova, déjà âgée et ancienne mais pleine de sagesse. Et ils ne firent plus commerce de conserves, mais les donnèrent et les troquèrent à ceux et celles qui le voulaient. Donc c'est pour ça que lorsqu'on parcourt un petit village avec des cendres d'incendie, peut-être pourriez-vous tomber sur le village des conserves d'huile. Vous trouverez Molotova et ces fameux faiseurs de conserves. Du coup, il y a Milieu qui se caresse la barbe et qui fait « Bon, bah c'est pas tout ça, mais je pense que vous avez bien bu assez d'hypocrase. Là. Visiblement, c'est bien. Là, vous êtes bien. Et bah du coup, je pense qu'il est temps de se dire au revoir et puis on va vous laisser partir sur le chemin. Hein. » Oh, mais moi, j'applaudis abondamment mon frère pour cette belle histoire. Après, je sais. Et du coup, est-ce que vous partez... Je crois que vous étiez plutôt à partir pour le chemin de l'eau. Hein. C'était ce qu'avait proposé Oxymorte, en tout cas. Mm-hmm. Est-ce que vous confirmez? Bah, vu qu'on va passer par l'autre retour, moi ça me... Bien. Qu'importe, un chemin est un chemin. Eh bien, en route. Ah, du coup, vous vous aventurez dans ce chemin étroit. Enfin, c'est souvent pas plus qu'une sente, un lion, un petit chemin de gibet. Il y a effectivement, de loin en loin, quelques panneaux. Est-ce que ce sont les bons ou est-ce que ce sont des panneaux moqueurs? Ben, vous le dira, quoi. Et plus que nulle part ailleurs, la forêt semble être touffue, être l'infime partie d'un grand tout qui n'a pas de limite. Et ce niveau d'épaisseur, on a le droit de se demander si vraiment on est si près de littoral comme on nous l'a vendu, puisque Compostelle est censée être au bord de l'eau, quoi. Il est étrange de constater qu'on est encore en plein massif, quoi. Loc, flic, loc, loc. Bah, à la fois, il y a de l'eau, hein. Audace sort une petite épée courte qu'elle a réussi à troquer lors d'une des étapes précédentes et qu'elle a bien aiguisée grâce à une super pierre à fusil échangée contre un bocal de fruits de Molotova. Il existe réellement des personnes de peu de foi. Et elle commence à trancher un chemin pour la famille. Et ce faisant, elle chante une chanson à moitié essoufflée que je suis trop prude pour chanter ici. Le temps s'écoule à marcher en famille. Il y a diverses étapes que je ne vais pas décrire ici par le menu. Notamment, effectivement, la rencontre avec une troupe de théâtre qui vous joue une pièce des plus étranges. Je ne vais rien en dire pour le moment, mais ça vous aura marqué. Il est possible que vous l'évoquiez un peu plus tard, quoi. Puisque, cette pièce résonnait beaucoup avec votre vécu. Et d'autant plus que... On vous a fait participer à la pièce et... guillemets, le rôle qu'on vous a fait jouer était intrigant. Passé cette étape, vous arrivez en fait à un endroit un endroit où il y a beaucoup d'artistes dans ce bois. Vous arrivez à un endroit qui sans doute a donné enfin justifie le nom du chemin, quoi, le Camino de l'Agua, le chemin des mares, le chemin de l'eau, puisqu'il y a une une fois passé un bois de pins particulièrement étrange, peuplé de bruits comme liquide. Vous avez enjambé un sentier pour suivre les panneaux qui vous font enfoncer un petit peu plus dans le cœur de la forêt. Et là, vous trouvez, trouvez une mare pleine de lentilles d'eau, un peu stagnante et qui en même temps a l'air de dégager une sorte d'ambiance, je sais pas comment dire quoi, comme si le lieu était important en fait, ancien. Je vais pour remplir ma gourde de manière un peu précipitée et désordonnée. Oxymorte s'approche et elle contemple le lieu. Est-ce qu'elle peut en savoir plus sur ce qu'elle distingue? Comment dire C'est pas vraiment l'enquête sur le lieu qui va te qui va te renseigner, c'est plutôt une enquête intérieure que tu dois mener quoi, sur ce que tu comprends de la raison de ce lieu quoi, parce qu'il n'y a pas de tu vois bien qu'il n'y a pas d'écriteau pour t'expliquer quel est le nom de cet étang, de cette mare, ce qu'elle signifie et tout, et c'est donc tes tripes qu'il va falloir interroger. En parlant de tripes, je constate que personne m'a empêché de boire. Non, mais Audace, sache que c'est quand je te vois jouer avec ton épée tout en étant ivre que je me sens extrêmement proche de toi. Bah oui. Funambule entre deux mondes. La vie et la mort à portée de main. Ce lieu me rappelle... quelqu'un que j'ai connu. Quelqu'un de mystérieux et qui a beaucoup compté. Quelqu'un de surprenant. Je l'avais rencontré dans une clairière. Dans ces endroits naturels qui pourtant ressemblent à des lieux créés par l'homme. Comme la place d'un village, mais en plein milieu des chênes. Je me rappelle de cette rencontre. Nos regards se sont croisés. Et il s'est approché de moi, à quatre pattes. J'ai fait quelques pas en avant. Et j'ai collé mon front sur son front. Puis mes cheveux se sont coincés dans l'un de ses bois. Et il a paniqué. Il a tapé ses sabots au sol, m'a arraché une mèche de cheveux coincée dans ses bois, et il est parti. C'est en effet un lieu malgré la présence, enfin malgré la présence ténue, il y a pas longtemps de ça. C'est en effet un lieu qui semble plus dit aux animaux qu'aux humains. Et on peut trouver des empreintes. On entend aussi hein, de loin en loin des échos animaux entre les arbres. que vous avez. On ne sait pas trop si ce sont des. Vas-y. On ne sait pas trop si ce sont des résonances ou des. Ou des hurlements. Ça frappe votre imaginaire dans plusieurs directions, ces bruits. Ils ne sont pas assez effrayants pour vous faire peur, mais ils ne sont pas non plus rassurants. Ils sont indistincts. Bon, allez, moi, je vais essayer de remonter la source du son. Hein. On y va, qui vient ? Je te suis. Hop, hop, hop. Peut-être allons-nous trouver ces figues et ces raisins. Oui. Dont nous parle Emilio. Et à quoi tu viens ? Et attendez, j'étais allez. En train de prier. C'était bon, on peut attendre. Croise ses bras 3 secondes devant, devant son torse. C'est bon là ? Non, c'est important. J'ai besoin d'une okay. minute, excusez-moi. Du coup, Apollinaire va avec son chapelet contre un arbre, un peu à l'écart du groupe. Il se dit, si Dieu n'exauce jamais ses souhaits, Dieu ne nous écoute pas et n'existe plus en ce monde, que si je demande que tout se passe mal, est-ce que ma prière ne sera pas exaucée ? Se dit, ça faisait des années qu'Apollinaire testait les limites du déic, les limites de sa prière et de sa foi. Et aujourd'hui, il se demandait qu'à quel point les prières croyants ne pouvaient pas être exaucées. Donc il fit le souhait vers le dieu, en tout cas, qui passait par là. Que tout se passerait mal lors de ce voyage. Je fais ma prière pour l'Angelus. Reviens ensuite vers ses compagnons avec une feuille dans les cheveux. C'est bon. Excusez-moi, j'ai terminé. Alors, j'ai préparé quelque chose pour tout le monde. Alors, l'épée, j'ai un petit peu des ampoules, donc je propose que quelqu'un d'autre la prenne. Non, personne ? Ok, je continue à l'épée. Alors, ici, j'ai prévu un petit home anti-insectes que j'ai fabriqué. Hein, qui est comme une petite visière, comme ça, avec un petit tri. Et je l'offre à mon père ou à ma sœur. Non, personne non plus. Bon, c'est pas grave, je la mets sur ma tête. Bon, mais je comprends, c'est encore moi qui passe en premier. Non, hop, hop. Je le prends. Ah, très bien. Tu vas trop vite. Ouais, je suis trop vite. Quoi, moi ? Audace ? Trop rapide ? Audace, on aurait dû t'appeler Fougue. Ah, c'est vrai qu'on a hésité d'après l'histoire familiale. Ou Tempête. Ça fait un petit peu cheval, non ? Tu crois pas ? À la fois Audace... Et en même temps, tu as la puissance d'un des talons, ma sœur. Ça. d'un des talons sous Hippocrate, mais d'un des talons. Qu'importe à quel point. Sous Hippocrate, c'est peut-être. Excuse-moi. Non, vas-y. Qu'importe à quel point tu courras dans la forêt, je te retrouverai toujours, Audace. Ah oui, mais ça, c'est peut-être à cause des grelots que tu m'as tatoué sur la nuque. Ding, hein. Ouais, j'y vais, j'ai quand même des petites douleurs à l'estomac, les lentilles d'eau, pas hyper digeste quand même. Bah, c'est parti. On se dirige, on essaie de se diriger bêtement en plein dans les directions des étranges bruits. Mmh, parce que... Ouais, mange. Bah, du coup, c'est ce. Allons-y en mode sanglier. C'est ce que vous faites. La forêt devient de plus en plus tortueuse. C'est une forêt d'école buissonnière, quoi. Il faut tracer son chemin entre les ronces, les fougères. Vous avez des fou... de moment, vous avez des fougères jusqu'aux genoux, jusqu'au bassin et tout. Et ça fait un moment que j'avais plus vu de panneaux. Et vous avez entendu un long cri brisé. Et c'est alors que une silhouette s'approche de vous, claudiquant, se heurtant aux arbres. La garde. Halte là. Qui êtes-vous? Pardon, c'est pas ça qu'il fallait dire. Bonjour. Nous sommes... Non, c'est quand il faut dire, je pousse devant ma frère et mon sœur. Yeah. Do the talking, please. Bonjour. Nous sommes en direction pour le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je suis Cargne, et voici mon histoire. Bonjour, Cargne. Cargne se tient de façon très tordue, l'air de porter de hideuses cicatrices. Son corps est recouvert d'un manteau, d'une capuche, montrant juste une faible partie de son visage. Cargne a l'air de prendre beaucoup de soin à masquer ses mains. N'ayez pas peur de nous, Cargne. Je vous présente Apollinaire, mon frère. Et Audace, ma sœur. Tout est lié. Vous n'avez rien à craindre. Vous avez l'air d'avoir mal, Cargne. Est-ce que ça va? C'est mes os, ils sont mal. Ils bougent au-dedans de moi. Vous souffrez? Votre corps est dans votre âme. Écoutez, Karen, cela me fait extrêmement mal au cœur de vous voir comme ça. Si vous le souhaitez, j'ai une possibilité pour vous. Les voyages m'ont parlé d'un rituel pour arrêter la maladie. Est-ce que vous seriez intéressé d'essayer? Vous voulez m'exorciser, c'est ça? Ah non, pas du tout. J'en ai croisé des exorcistes. Non. Ils sont violents. Non. Je comprends parfaitement, mais je ne suis pas un exorciste, je ne suis même pas un saint. Je suis simplement un guide des âmes égarées sur les chemins. Je n'ai pas prétention de vous guérir. Peut-être puis-je vous soulager un peu. Vous feriez mieux de vous méfier de moi. Je suis une mâle bête. Et Dieu ne m'aime pas. Dieu aime tout le monde, toutes les créatures ici-bas. Non, c'est faux. S'il m'aimait, mon existence n'aurait pas le moindre sens. Oxymorte s'approche de toi et s'approche de Cargne. Elle lui dit, je suis comme toi. Moi aussi, une partie de mon âme est dans mon corps, tandis qu'une partie de mon corps est dans mon âme. Elle te tourne le dos et elle t'expose son dos. Sur son dos, tu constates les traces de quelque chose qui aurait tenté de pousser depuis l'intérieur pour sortir de son corps, sortir d'elle. Et tu vois qu'autour de ces traces, certains tatouages ont été posés. Tu vois la difformité du tatouage, que ces tatouages ont été posés lorsqu'elle était enfant et qu'ils ont grandi avec elle. Le dessin original n'est plus complètement identifiable. Garnes avance sa manche en tremblant pour toucher, mais en te laissant l'opportunité de te retirer si tu veux pas qu'elle te touche, quoi. Oxymorte se laisse toucher. Donc, il y a le parcours du doigt et comment les veines tortueuses de tes blessures, quoi. Ce ne sont pas des blessures. C'est un conflit intérieur. C'est une discussion sans fin. C'est voir en permanence le monde avec deux perspectives. Et c'est épuisant. Mais voilà, n'ayez pas peur. J'espère que cela vous rassure sur nos intentions. Alors à mon tour de vous mettre en garde contre mes frères et sœurs, ma famille. Ils font du mal aux humains. Nous conseillez bon... Pardon, excuse-moi. Oxymorte se tourne vers Audace. Qu'en penses-tu, Audace ? Vous constatez qu'Audace, bien que debout, a les yeux fermés et le menton sur le poitrail. Elle tressaille très légèrement comme un chien qui dort. Elle a probablement... Elle s'est absentée depuis un moment. Un peu de bave noirâtre lui dégouline le long des lèvres. Est-ce que cette bave noirâtre... Est-ce que de cette bave noirâtre émane une odeur d'hypocras ou c'est autre chose ? Plutôt de marais, je dirais. Petit côté parfum lentido. Ça sent le tanin. Je crois que... Je pense qu'Audace a la paix trop d'eau stagnante et que tout étalon puissante qu'elle soit boire de la boue n'a jamais rassasié personne. Audace ouais. Audace, ouvre les yeux. Audace, au lieu d'ouvrir les yeux, ouvre la bouche. Apo, viens voir. J'arrive. Non, mais alors, c'est... qu'est-ce qui se passe? Veillance fait mais elle a l'air très effrayée. En même temps, elle a l'air de sincèrement s'inquiéter de ton sort, quoi. Qu'est-ce qu'on... Apollinaire, est-ce que tu aurais un remède, un mal mort, ou un tatouage le temps de... pour qu'elle recrache ta bouffe. Un tatouage, ce sera peut-être compliqué. Et si nous installions un campement, faisions une pause cette nuit à cet endroit et invitions Karn à veiller avec nous auprès d'Audace. Karn fait « Non, je dois aller voir où est Uldre. » Où est qui ? Uldre. Qui est Uldre ? Qui est Uldre, Karn ? Le jardinier. Le jardinier de la forêt. Oui. Audace essaie de prononcer Uldre. Et comme ça. Je n'utilise pas ce mot. C'est pour ça que je me suis dit Thomas devait connaître ce mot. Borborin. Spongieux accompagne Uldre et Audace rend quelque chose qui, de toute évidence, la rendait un peu malade. N'osez pas regarder ce que c'est visqueux, c'est vert, c'est par terre. Ça va beaucoup mieux. Allons voir Uldre. Non ? J'ai rien compris ? Bon, ça va, c'était... Non, okay, j'ai rien compris. N'allons pas voir Uldre. Non. Ok, n'allons pas voir Uldre. N'allez pas non plus voir Aubépine, surtout. Surtout fuyez Aubépine. Je dois vous laisser, je ne dois pas être vu entre votre compagnie. Désolé, Carne, et merci à vous de nous avoir prévenus. Tout est lié. Est-ce que tu t'as... J'aimerais proposer quelque chose. J'aimerais proposer un rituel... Un rituel de transe collective. Audace... J'ai besoin de vous tous pour que ça puisse se produire. Audace pose, prend ta main ou met la main dans la tienne, enfin, prend ta main habituée à tes demandes de rituel de manière loyale et résignée. Genre voilà, ça c'est le rituel. Je tends la main en direction de Carne pour l'inclure aussi dans ce rituel. Carne accepte, mais vraiment en mode je suis sur ressort et dès que je vais entendre un bruit suspect ou je sais pas quoi, je vais essayer de me barrer, mais bon, n'ose pas refuser quoi. Apollinaire, est-ce que tu es d'accord de saisir la main de Carne et de fermer le cercle en attrapant la main d'Audace ? Tout le monde est bienvenu dans notre cercle. Et c'est vrai que le contact des mains d'Apollinaire a toujours été apaisant. Il a toujours eu cette aura envers les gens de les apaiser, de un peu de les couver. Je pense que Carne ressent cette aura d'Apollinaire autour de lui. Ainsi, nous nous mettons à tourner, très lentement, dans une danse ancienne, une sorte de bourrée. Deux pas vers la droite, un pas vers la gauche. Deux pas vers la droite, un pas vers la gauche. Deux pas vers la droite, un pas vers la gauche. Et c'est ainsi que nous tournons, et nous nous mettons à chanter. En tout cas, Oxymorte commence à envoyer des notes, des phrases. Et nous tournons. Est-ce que Carne et les autres répondent au chant d'Oxymorte ? Carne en trébuchant régulièrement, donc en se cassant souvent la figure, quoi. Juste tenir debout, c'est difficile. Alors faire des pirouettes, c'est voilà. Beaucoup d'arbres se font choquer. Audace est très contente d'être entre Apollinaire et Oxymorte, qui ont l'air d'être déhanchés, qui régulièrement sont tirés de haut et de bas par leur partenaire de danse. Oui, je réponds, bien entendu, avec fougue et enthousiasme. Est-ce que Apollinaire chante et danse en se sentant à l'aise ? Oui, il se sent à l'aise, oui, il chante et danse, mais c'est La même chose qu'autrefois, c'est, il n'a pas de talent pour ça, mais il est content. On est toujours très heureuse qu'Apollinaire danse avec nous. La bourrée s'accélère et le chant monte en intensité, ça tourne. Et soudain, la petite ronde a la sensation collective de léviter. Puis, après avoir maintenu quelques minutes cet état de lévitation, la ronde se ralentit. Elle continue à tourner. Toutes les têtes tournent et tout le monde est comme qui dirait aspiré par l'inertie de la ronde. Et c'est ainsi qu'Oxymorte s'adresse à Karn. Elle exerce une très légère pression pour lui indiquer qu'elle va lui adresser la parole. Quoi ? Et elle lui demande de... Elle lui demande qui es-tu, Audace, et qui sont Apolline et Aubépine et Uldre. Parle-nous de toi. Et la ronde continue. Karn est en transe et donc n'est peut-être pas consciente de ce qu'elle dit, quoi. Sa tête, sa fesse en arrière. Sa pression sur vos mains se fait très forte. Nous sommes le ver, nous sommes la chair, nous sommes la nouvelle manne et l'ancienne pourriture. Nous sommes la peau, nous sommes les os. Nous ne sommes pas des créatures de Dieu. Même pas du diable. Nous sommes l'engeance de la forêt. Nous sommes le nouveau peuple. Et qui est Uldre ? Uldre est semblable à moi. Si semblable est Aubépine. C'est ta famille ? Famille hors la nature. Est-ce que vous êtes comme moi ? En conflit ? Oui, la lutte est grande. Nous sommes comme des enfants morts sans baptême. Personne ne veut de nous. La vie n'est la mort. Est-ce que ta famille nous laissera traverser ces lieux ? Non. À cet instant, Oxymoron tourne son regard en direction d'Audace. Un regard qui pose une question. Un regard qui dit « Qu'en penses-tu ?» Et là. Je pense qu'on n'a pas entendu ta réponse. Je suis là, mais alors du coup, je sais pas comment répondre seulement avec les yeux. J'étais en train de réfléchir à comment te dire ce que je pense. Est-ce que tu me réponds ? Tu me regardes et tu comprends que je veux te dire de respecter le passage. Et si on a le temps d'en parler. En parler, mais c'est le dispositif qui n'arrive pas à... Fouine, langage de Fouine. J'aimerais bien te répondre, j'ai un avis, mais je ne sais pas comment le faire passer dans cette scène dans laquelle nous parlons. Fais-le en langage Fouine. D'accord. Ah, c'était pas ça le langage Queen. Si, c'est très bien. Enfin, fais le. Pardon, ça c'est le langage Queen. Ça, donc je continue à être en langage Queen. Je pense qu'Audas serait de la vie, pas par manque de courage, mais par respect des familles et des territoires, que si cette famille-là ne souhaite pas qu'on empiète sur leur maison, on devrait respecter ça. Oxymore reçoit ce regard que tu lances en direction de l'extérieur de la ronde et de l'extérieur du lieu. Et elle comprend ta proposition. Et petit à petit, elle pose la ronde. Et elle pose Cargne. Et elle reste un moment avec lui en lui tenant les deux mains. Probablement Cargne a le tournis. Comment te sens-tu, Cargne ? Cargne trébuche et en fait, ça a l'air de faire de gros efforts pour s'extirper de la transe et pour fuir, en fait. Je me sens mal, j'ai besoin de m'en aller, m'éloigner de vous. Tu es sûr que ça va aller, Cargne ? S'il vous plaît, revenez d'où vous allez. Revenez d'où vous venez. Ne cherchez pas à trouver Compostelle. C'est ce qu'on va faire, Cargne. On va revenir d'où on vient. Que Compostelle existe encore, Cargne ? Pourquoi tu dis que Compostelle ne doit pas être vue ? Il y a trop de choses qui se bousculent dans ma tête. Trop de dangers. Dans l'impuissance de vous aider. C'est ça qui me fait mal, qui me cause du tourment. Je ne pourrais vous aider qu'en attaquant ma propre famille. C'est ça, je ne peux m'y résoudre. Suis-je condamné à vous mettre en garde ? Et nous t'en remercions, Cargne. C'est courageux. Et tout d'un coup, en glapissant, Cargne vous tourne violemment le dos et s'enfuit en courant à quatre pattes. Oh zut, on a oublié de lui proposer de l'hypocrase. Oxymore fixe Cargne se dissiper dans la brume et l'ombre. Et elle est traversée par une grande tendresse. Elle n'avait pas souvent eu l'occasion de rencontrer quelqu'un comme elle et ça la bouleverse autant que ça l'emplit de joie. Conseils de Cargne et finalement vous avez rebroussé chemin, renonçant au moins temporairement à Compostelle, si j'ai bien compris. Pour ma part, c'était éviter de prendre la deuxième route. Mais... C'est ça, peut-être essayer de retrouver voilà un petit peu à travers champs et clairbois à la recherche finalement de l'autre chemin, donc le Camino de la Huerta, quoi. Mais c'est comment une impression de tourner en rond s'empare de vous. Plus il n'y a plus les fameux panneaux En fait, revenir sur vos traces s'avère pas du tout aussi simple que prévu, quoi. Et là, voilà maintenant déjà quelques temps que vous clairement tournez en rond, quoi. Sans savoir si vous êtes vraiment éloigné de la zone. Toujours des étangs, des vasières, des eaux stagnantes, des rivières qui sont comme des larmes de boue. Et le gloutement de l'eau est soudain interrompu par le bruit d'un pas calme dans les feuilles mortes. Une jeune femme vêtue d'une robe orange, les cheveux voilés. Tache de rousseur, un air innocent s'approche de vous. Halte là. Halte là, qui êtes-vous ? Yeah. Je suis Aubépine. Et je suis au service de la vie. Aubépine, vous êtes la sœur de Carne. Je ne suis ni sœur ni mère. Ni femme ni rien. Mais vous êtes bien là devant nous. Je suis là comme je pourrais être ailleurs. Enchanté de vous rencontrer, Aubépine. Nous marchions pour prendre l'inverse du chemin de Compostelle. Le voyage nous a bien fatigués. Nous avons décidé de rester un peu plus en contrebas. Renoncer à Compostelle. Mais on a fait pas mal de chemin. Je pense que notre énergie, ce voyage-ci en tout cas, a été épuisée. Nous retenterons une autre fois, bien sûr. Tout en vous parlant, Aubépine semble installée comme un... faut bien qualifier d'un salon forestier, quoi. C'est-à-dire qu'elle enlève les feuilles mortes d'une souche, dispose des couverts et commence à accueillir des champignons et des herbes. Elle a l'air d'identifier assez rapidement. Sort des tasses et puis une poterie elle allume un feu pour faire un bouillon, une infusion. Accepteriez-vous de me dire ce qui vous poussait sur le chemin, ce que vous cherchiez à Compostelle, raison de votre pèlerinage? J'ai une théorie au sujet de Compostelle. J'écoute. Le tracé de Compostelle a été perdu. En vérité, il a été dévoré par la forêt. Ce qui fait que Compostelle peut être ici et ailleurs. Vous cherchez Compostelle dans l'espoir de la pointe trouvée. oui. Aussi curieux que ça puisse paraître, Dieu est partout après tout. Avez-vous rencontré des voyageurs qui revenaient de Compostelle ? Ou qui prétendaient en revenir, en tout cas ? Rencontrer des voyageurs qui sont partis, d'autres qui sont restés. Restés avec vous ? Certains sont restés avec moi. Je leur parle, je leur apporte du réconfort. De quelle forme sont-ils restés avec vous ? Ce sont des enfants qui ont peur. Et je suis à la fois grande sœur, poupée, une mère, un ange gardien, un ange protecteur, l'image de leurs rêves. Je les console, je les rassure, je les protège. Et pour rester avec vous, ils et elles ont renoncé à leur rêve de voir Compostelle ? Tous, certains revenaient de Compostelle. Donc, Compostelle existe bien. Leur cœur, en tout cas, elle existait. Vous m'avez l'air d'être une personne coupée en ces lieux étranges. Personne comment ? Bien occupée. Une tâche à accomplir, en effet. Tâche nécessaire. J'accomplis sans état d'âme. Savez-vous où se trouve Uldre ? Uldre est occupé à tenir son jardin. Jardin qui nous nourrit. De quoi vous nourrissez-vous ? Nourrissons plantes, de champignons, de baies. Certes, forêt n'en manque pas, mais c'est bien commode d'avoir un jardin néanmoins. Pour ça, Uldre y pourvoit. Il repique, il plante, il sème, il bouture. Ce qu'il lui faut, c'est du soleil, de l'eau et de la bonne terre. De la terre riche. Terre pleine de vie. Combien êtes-vous à vivre ici et pourquoi rester ici ? Nous n'avons nulle part. Nous n'avons nulle part où aller. Vous avez été banni ? Tel cas, alors nous l'avons été avant la naissance. Le monde n'a que faire de nous. Nous n'avons que faire du monde. Nous contentons d'exister, et cela est bien assez. Cela est juste. Vous pouvez vous joindre à nous si vous le désirez. On va d'abord vous parler, et peut-être que l'un d'entre vous voudra rester avec nous. Apollinaire nous a dit la raison de son pèlerinage, j'aimerais connaître la vôtre aussi. Pas un pèlerin qui ne cherche Compostelle. Le même motif. Ça m'intrigue. Je pensais me rendre à Compostelle pour renaître. Mais j'ai compris que j'étais avant toute chose venu vous rencontrer. Mon pèlerinage, c'est rencontrer mes semblables et témoigner de la détresse et de leurs conditions de vie. Vous pouvez vous joindre à nous si vous le souhaitez. Je vous l'ai déjà dit, ma place est ici, j'ai un rôle à jouer. Ce rôle que je joue, ce d'autre ne fait mieux que moi. Sans haine, ni plaisir. Et quel est ce rôle ? Parce que vous avez aligné un certain nombre de qualificatifs, je n'ai pas trouvé vraiment de rôle. Si vous êtes à la je cherche de la terre pleine de vie, pour que le jardin pousse. Intéressant, pour ma part, ça me semble une vie assez calme. Ne vous ennuyez pas ? Bon, j'aime rencontrer de nouveaux enfants, faire un refuge. Où il ne fait ni chaud ni froid. Je ne m'embarrasse peu de sentiments. Très peu d'émotions pour moi. Le temps ne s'écoule pas. Je ne suis ni triste ni gai. Cela est juste. Je me satisfais du sentiment de nourrir l'ordre et l'équilibre. Audace lance des regards inquiets du côté de d'Oxymorte et des regards impatients du côté de d'Apollinaire. Comme on se connaît bien, vous comprenez qu'Audace a plutôt envie de reprendre sa route parce que c'est un peu antinomique avec ce qu'elle est, cette, ce côté statique, terrien, en feu. Je pense que chaque membre de cette famille serait heureux que chacun prenne ses décisions. Et il est vrai que pour moi, je suis fait de route et de chemin. Soulagement dans le regard d'Audace. Une petite visite, bien entendu. Vous, Audace, pourquoi avez-vous fait le pèlerinage ? Bien pour y aller. Qui compte, c'est le voyage, et il m'avait l'air très compliqué. Pourquoi avez-vous repoussé le chemin ? Difficile, avec des choses à faire. On dirait que c'est vous qui en avez pris la décision. Je n'ai pas repoussé le chemin. Non, j'ai pas repoussé le chemin, j'ai décidé de respecter le point de vue de... Enfin, nous avons rencontré peut-être un de vos enfants, mais qui a l'air relativement malheureux. Il s'appelait... Je ne peux pas dire son nom. Et qui nous a déconseillé de passer par chez vous. Nous nous sommes dit, respectons cette famille dont les règles sont strictes sur l'affranchissement du territoire et trouvons l'autre chemin. Le bien nommé quelque chose, Camino de la Huerta. Oh, celui vous savez que vous avez croisé n'êtes pas mes enfants. Mes enfants sont en paix, ils ne parlent pas. C'était un être perdu, déliré. D'accord, donc vos enfants sont... ne parlent pas. Ça doit pas être très embêtant comme enfant. Vivons dans une grande sérénité. J'imagine. Bon. Regard implorant de Audace auprès d'Oxymorte et recul vers Apollinaire. Je vais donc devoir vous demander qui va rester avec moi, puisque vous voulez partir. Pourtant besoin de l'un d'entre vous ? Que vous choisissiez vous-même. Besoin comme objet. Oxymore se met à genoux. Elle plante ses mains dans le sol et elle se met à bredouiller. Compostelle, compost, humus. Je crois que je suis arrivé pour ma part. Aubépine se met à genoux à côté de toi, de façon quand même à te surplomber. Sa tête est au-dessus de la tienne. Et des gestes très doux et compatissants. Je Audace se précipite sur vous en disant non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, je fais pas le tombe, non. Et essaie de soulever par les épaules Oxymort. Pas question, pas question, pas question. Aubépine lentement, sans se presser, sans manifester d'émotion particulière, sort un couteau de sa robe. Long couteau. Audace sort son coutelas de Bushwoman. Mais ne fait pas le premier mouvement. S'interpose entre Oxymort et... Comprenez pas, c'est son souhait. Oxymort est arrivé à destination. Respectez... Oxymort, t'as pris le soleil. T'as pris le soleil, t'avais pas ton chapeau. Et elle te regarde avec un air implorant. Oxymort se relève et elle te regarde avec détermination. Tu es surpris parce que tu aurais pu croire à quelque chose qui soit de l'ordre de la défiance, mais ce n'est pas ça qui s'exprime de son regard. Elle pose ses yeux en direction de ton coutelas et elle se remet torse nu et elle te tourne le dos. Elle te demande de rompre une bonne fois pour toutes les sceaux qui l'empêchent d'être la personne qu'elle souhaite être. Et elle te dit que ici, c'est sa place. Oxymort, si tu as besoin de moi, je suis là. Je serai toujours là pour toi. Qu'importe ta décision. Et si vous me cherchez, vous me trouverez toujours ici. Audace a les larmes aux yeux et une grimace de colère et de tristesse et elle vous regarde l'une après l'autre et l'un après l'autre. Et, mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est pas possible. Vous êtes devenu... vous avez perdu l'esprit. Audace, j'ai perdu... Oxymort n'est pas perdu, elle s'est retrouvée. Toi, la rousse, là, je t'ai pas adressé la parole. Romps le sceau. Fais-moi confiance. Et sur ce, en fait, Aubépine a un geste très rapide pour tuer Oxymort. Est-ce que... en empêcher ou est-ce que vous n'avez pas le temps? C'est du GN, on peut pas lancer le dé. Moi je fais j'ai tu mon. Tu fais ce que tu veux en fait concrètement. Main, si tu en empêches, tu en empêches. Oui, pardon, c'était. Ben ouais, j'essaye. Ben moi j'ai 6 devant et j'ai déjà brandi mon couteau donc. Paulina ouais, ne va pas le faire enfin, parce que sa mission première. De guider les égarés ou de les perdre à jamais. Oxymort veut se perdre à jamais dans ses décisions et son choix. Il y a quelque chose de très sombre dans sa non-décision à Apollinaire. Chose qui n'est pas humain. Néanmoins, Audace, par contre, effectivement, s'interpose. Donc, avec, si j'ai bien compris, avec ton couteau, tu désarmes Aubépine. Aubépine a... Ou j'essaie de parer, en tout cas. Aubépine a un regard tout d'un coup infiniment triste et désemparé de petite fille. Il fait, mais vous ne comprenez pas. Pourquoi vous la privez? Non, je crois qu'effectivement, on ne comprend pas. Mes enfants... vont-ils se nourrir maintenant? Ils mangeront des champignons. Ils ont besoin de cette terre pleine de vie. Vous sentez qu'elle est vraiment désemparée et en fait, concrètement, si vous traînez Oxymort, vous allez pouvoir partir quoi. Tout dépend de vous en fait. Mais oxymore, pardon, elle a pas perdu connaissance. Non, mais j'ai l'impression que on va justement, on va la laisser s'exprimer. Oxymore se relève et elle pose ses deux mains sur le visage de Bépine et elle pose son front sur le front de Bépine. Et Aubépine se met à trembler. Ses yeux sont révulsés. Son corps se tord et se contracte. Et potentiellement, elle tombe par terre. Ouais, et je pense qu'au bout d'un moment, elle reprend connaissance et quand elle vous regarde, vous comprenez qu'elle est totalement perdue, quoi. Elle n'est plus ce qu'elle était avant, quoi. Et elle vous reconnaît pas, elle sait pas ce qu'elle fait là. Et dans son visage se lise, flot continu d'émotions contradictoires. Globalement, elle est tout à fait perdue. Aubépine constate que Oxymore porte désormais l'écharpe orange. Et Oxymore dit à son frère et à sa sœur que elle restera ici et que c'est sa place. Mais qu'ils peuvent partir avec Aubépine si elle le souhaite. Cette pauvre personne n'a plus sa place ici. Puis-je parler avec Aubépine seule à seule? Oui. Que tu lui dis? Tu disais, Aubépine, que tu souhaitais agrandir ta famille par tous les moyens, n'est-ce pas? Que les terres tuées ont besoin de vie, de substance. Je comprends rien. Et si tu ne comprends pas, tu peux toujours prendre ta main et je t'amènerai de nouvelles substances et de nouveaux membres de ta famille, si tu le souhaites. Dans les yeux... Je vais vous suivre alors. Dans les yeux d'Apollinaire, il y a plus son regard habituel, un regard malicieux, un regard du malin. Du coup, il tend sa main vers Aubépine. Marché conclu. Marché conclu. Tend sa main. Et Apollinaire la serre, et lorsqu'il revient ensuite silencieux auprès de ses compagnons, c'est Apollinaire habituel, avec ses bougies, ses bois. Faisons-nous maintenant. Et t'as mangé... et elle est encore là, Aubépine? Non, tu l'as mangé, la pauvre. Disons que Apollinaire a passé un petit pacte avec Bépine. Et Bépine, c'est juste une petite fille, non, pas une jeune femme. Ce sont les êtres les plus purs qui peuvent être le mieux manipulés, quelque part. Audace regarde ce qui vient de se faire, ses deux, sa sœur et son frère, et est totalement... désemparé, parce qu'elle ne reconnaît ni l'un ni l'autre. Et ça fait beaucoup de... Merci. Pour... Aubépine. Et beaucoup de soucis pour Apollinaire. Thank you. Le pain des morts, le pain d'écorce et le pain de moisissure. Le pain du baume, le pain des paumes, même si rien ne perdure. Le pain qu'on perd, le pain qu'on gagne et le pain de nos fissures. Le pain qu'on mange, le pain qu'on cache et le pain qui nous rassure. Le pain des mains, le pain de rien, le pain des engelures.